On va parler avec notre ami Jacques Doucet. Salut Jacques! Salut! Bon anniversaire Jacques, 79 ans. C'est une belle... J'ai pas obligé de le crier à tout le monde, j'en ai 70 ans. Bravo. Puis finalement, c'est la santé qui est importante. Hein? Oui, monsieur. Ça, c'est l'item numéro un. Fait que là, tu te prépares à entamer une autre saison? Oui. J'ai renouvelé pour un an avec TVA Sport. Puis on commence avec les deux matchs contre les Brewers de Milwaukee, le 25 et 26 au Stade Olympique. Okay. Et on sait que cette année, on célèbre le 50e anniversaire de l'arrivée des Expos à Montréal. Concession. Et puis, on va avoir beaucoup de joueurs à présenter avant les deux matchs. Je pense que les amateurs vont apprécier le geste qui va être posé par les Blue Jays et Evanco en ce qui concerne le baseball à Montréal. Puis il y a Perry G qui fait tout un job aussi. Hein. C'est Écoute, il est en train de tout récupérer les expos. Les anciens expos. Il y a beaucoup d'anciens expos qui vont être à son œuvre aussi. Là. Oui. Écoute, ça c'est le 24, la veille. Oui. Et puis c'est le fun. Il y a des gars comme Coco Laboy, puis Steve Renko, Tim Foley, qui vont être là. Dennis Martinez. Il y a même moi qui va être là, imagine-toi. Ah, regarde. Et Jacques, j'ai parlé à Perry, j'aurais aimé ça que tu essayes d'avoir Buck Rogers. Il a tout fait pour essayer d'avoir Buck Rogers, mais semble-t-il que la santé de Buck commence à être plus difficile. Ah oui, je m'en sente un peu. Oui, il est en santé. Mais d'un autre côté, tu sais, pour les 50 ans des expos, oui, ça aurait été le fun que Buck soit là, mais s'il voulait avoir un gérant, c'est Philippe. Oui, je sais, mais c'est parce que... Moi, j'ai travaillé tellement fort pour l'avoir, Philippe, tu sais, ça aurait peut-être... mettre une petite ombre au tableau parce que, tu sais, Buck aurait été là, puis c'est Philippe qui aurait été honoré. Ouais, je sais, mais c'est parce que Buck, ça aurait été. Buck, on ne l'a jamais revu à Montréal. Est-tu revenu une fois depuis que. Oui, il est revenu une fois ou deux. Qu'il a quitté les expos. Après Philippe, c'était le gérant le populaire. C'est quand même moi. Il y a eu Gene Buck que j'ai pas connu là, à l'époque. On dit Gene Buck était assez populaire aussi. Là. Ben, Dick Williams. Ouais. OK. Jacques, est-ce que le 50e anniversaire de la Fondation des Expos, ça va dater avec le 50e anniversaire du retour des Expos? Peut-être, hein? Est-ce que ça bouge pas partout, c'est pas compliqué. C'est ça. Alors, tu sais, à un certain moment, le commissaire va mettre son pied à terre. Ouais. Parce qu'il voulait vraiment régler avant d'entamer les prochaines négociations avec l'association des joueurs. Ouais. La situation de Tampa Bay et de Oakland, et il semble que Oakland, finalement, ont réglé leur cas. Ils ont les plans d'un nouveau stade dans un secteur qui va faire face à la baie de San Francisco aussi, ou à la baie d'Oakland, si vous préférez. Mais au moins ça semble être assez réglé. Mm. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer du côté de Tampa Bay, parce que ça n'augure pas bien pour cette concession-là. Et évidemment, je pense que ce serait la situation idéale s'il déménageait à Montréal. Ouais, regarde, je regarde les rires. Il y a beaucoup de monde qui se pose la question avec Bryce. Ils prennent le lien avec Bryce Harper, puis là, ils disent « Oui, mais on va avoir une concession à Montréal. » Mais c'est pas du tout... Combien il y a d'équipes qui sont capables de se payer Bryce Harper? Il y en a à peu près 6-7, là. T'sais, puis encore. Il y a, disons, les Yankees, les Red Sox. Mais les Red Sox n'en avaient pas besoin. Ouais. Philadelphie, les autres, ils mettent le paquet. Évidemment, ils sont allés chercher beaucoup de monde. À l'arrêt court, au poste de receveur, des lanceurs. Oh non, écoute, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir exactement comment les Braves vont réagir. Ouais. Parce que auparavant il n'y avait pas beaucoup de menaces pour les Braves d'Atlanta, je pense, dans cette division-là, à part de Washington. Ouais. Mais là, je pense que les Phillies ont vraiment là, dit aux gens, regardez-nous bien aller. Il y a une question de chimie aussi là-dedans. Là. Hein? Ah ben oui, mais ça, je pense que... Quand un gars comme Harper arrive dans une organisation nouvelle, c'est évident qu'il n'arrivera pas avec ses gros sabots, lui, là. Malgré qu'il a un ego très fort, ça, il n'y a personne qui peut le nier. Ouais. Mais dans l'ensemble, il veut gagner, il n'a pas gagné avec Washington. Oui. Alors là, ça va être intéressant de voir de quelle façon il va réagir. OK. Jacques, les Blue Jays, comment tu trouves ça que le Vladimir est à 250 livres et tu t'es présenté au camp à 250 livres à 19 ans? Tu sais, il y a Prince Fielder, il y a Pablo Sandoval, que leur carrière a baissé vite parce qu'il était très gros. Est-ce que tu penses que dans le cas de Vladimir, il va falloir qu'il se prenne en main? Parce que, hein? Ben, il se prend en main déjà. Moi, j'ai lu un article justement, là. Sa grand-mère est arrivée au camp. Okay. Et elle va s'assurer que le junk food n'est plus dans son assiette. Parce que là, c'est je veux dire... Non, mais il a dit lui aussi qu'il fallait qu'il se prenne en main. Alors, à ce moment-là, s'il en est conscient comme ça, ben j'ai l'impression qu'il va réagir. Sinon, ben tu sais, on pourrait peut-être oublier Vladimir Junior au troisième but, puis on le retrouvera au premier coussin, comme un nommé fielder. Oui, mais c'est parce que Prince, à 30 ans, il était déjà pas mal fini. Oui, bien ça, c'est-à-dire, ça dépend du métabolisme de chacun aussi. Oui, tu sais. Alors lui, il a la chance, à 19 ans, de pouvoir réagir, de se prendre en main. Oui. Alors on va souhaiter qu'il le fasse. OK. Clay Buchholz. Il ne faut pas oublier, tu parlais des Blue Jays, l'acquisition de Buchholz. Buchholz, oui, c'est ça. Je pense que ça, c'est un très, très, très bon point du côté des Blue Jays de Toronto. Je pense que le directeur gérant, on le blâme souvent de ne pas agir, mais là, il a réagi. Et puis, je pense que Buchholz, il ne faut pas oublier, l'an dernier, c'est tout de même un dossier de 7-2 avec une moyenne à peine supérieure à 2. Ouais. Alors, je sais qu'il a été... blessé. Il a été blessé souvent au cours de sa carrière ces dernières années, mais s'il est en bonne santé, comme quatrième ou cinquième partant, il pourrait se vouloir être une addition importante du côté des Blue Jays. Parce que là, ta rotation des partants, Ren Sanchez, tu es d'accord avec moi, c'est 1-2. Strowman et Sanchez doivent livrer de marchandises. D'après moi, c'est Sanchez numéro 1, ouais. Strowman numéro 2, parce que notre ami Strowman, là, moi j'ai sursauté quand j'ai vu qu'il se prétendait être le porte-étendard de l'équipe. Ouais. Écoute, l'an dernier, il n'a pas lancé 100 manches, ou à peine. Dans les trois dernières saisons, il y a un dossier perdant. Ben moi, si j'étais à sa place, j'apprendrais c'est quoi le proverbe « la parole est d'or »,« la parole est d'argent et le silence est d'or ». Je laisserais mes performances parler un peu comme Sanchez l'a fait, au lieu de commencer à se dire qu'il est le porte-étendard de l'équipe, là. Faites tes preuves, mon ami. Ouais, mais dans le cas de Sanchez, c'est là que cette année, c'est une année importante pour lui. Hein. Ça pourrait être. Ben, ses deux premières prestations ont été excellentes. Ouais. Et puis là, demain, il y a aujourd'hui, je pense, Strowman lance contre les Pirates. Et puis, écoute, il y a nommé Schumacher aussi qui a été repêché ou qui a été embauché par les. Oui, on va dire une chose. Ça, c'est pas un deux de pique, ça non plus, là. Alors, on a renfloué. Borucki est un gaucher, Schumacher est un gaucher. C'est Clayton Richards également qui peut. Richard est un gaucher. Ouais. Alors, on a de l'expérience comme, tu sais, pour bien appuyer Strowman et Sanchez. Bien, je pense que les Blue Jays ont très bien réagi en allant chercher des vétérans qui auront l'occasion de relancer leur carrière. OK. Jacques, Bud Norris aussi. Ça va amener Écoute, 28 sauvetages. Ils ont fait de très bonnes acquisitions. Puis ça a passé souvent là, presque inaperçu. Ben, c'est sûr que ça a été la même journée, je pense, que Bryce Harper, si je m'abuse, qui ont signé. Parce que les deux ont signé la même journée. Fait que c'est sûr que les médias ont parlé plus de Bryce Harper avec raison. Là. Mais Norris, 28 sauvetages l'année passée. Ah oui. Ouais. Écoute, ça va être intéressant. De voir de quelle façon il y aura 25 joueurs qui vont se présenter c'est pour le début de la campagne. J'ai hâte de voir l'identité des 25. Okay. Jacques, si on parlait maintenant du côté des Yankees, on sait que, bon, Cici Sabathia, il y a Luis Severino qui sont blessés. Là, Cici Sabathia qui est plus jeune, on a déjà annoncé que peut-être que les Yankees... Il va rater le début de la saison, lui. Oui, effectivement. Mais, tu sais, ils étaient partis sur un bon pied lorsqu'ils ont engagé le Canadien James Paxton. Oui. Alors, ça, c'était... Avec Jay Happ, là, ça leur donnait deux très bons gauchers dans la formation, avec une possibilité d'un troisième, mais t'sais, avec CC, mais disons qu'il y en avait deux très bons. Là. Mm-hmm. Alors, Severino, la blessure de Severino, évidemment, là, ça met les bâtons dans les roues. Oui, effectivement. Mais ce que je voulais amener, Jacques, c'est qu'on risque de faire comme les Rays de Tampa Bay. Là. On a évoqué cette possibilité-là cette semaine. Mais je pense que les Yankees peuvent... Il y a encore, comme tu disais avant de rentrer en onde, il y a possibilité également que les Yankees achètent sur le marché des autonomes. Il y a encore beaucoup de bons bras, entre autres Dallas Kirkham, entre autres. Oui. Il reste encore presque trois semaines au camp d'entraînement. Là. Alors... on n'a pas fini d'avoir de bonnes nouvelles du côté du baseball. OK. Greg Kimbrell, est-ce que ça perte... il a mentionné, lui aussi, joueur autonome, il a mentionné que lui, ça ne lui dérangeait pas de rater la saison. Je pense qu'il joue un jeu dangereux. Tu es d'accord avec moi? Oh, je pense qu'il y a quelqu'un qui va lui faire une offre parce qu'écoute, il n'a sauvé 42 l'année passée. Ouais. Alors, puis on sait que déjà chez les Red Sox, Wright a été suspendu pour 80 matchs. Ouais. Alors, tu sais, en relève, là, on a deux gros trous. Mm. Alors, il va falloir les combler. Je ne sais pas de quelle façon on va le faire, mais il y a encore beaucoup de matériel sur le marché des joueurs autonomes, des joueurs qui n'ont pas été repêchés encore. Puis, ce serait intéressant de voir de quelle façon les équipes qui sont en mal de joueurs vont réagir d'ici, moi, je dirais, une semaine. Une semaine ou deux, à peu près. Là. C'est sûr que probablement qu'on essaie de nos jeunes, puis à partir du 15 de mars, à peu près, c'est là que ça va partir. Là. Puis on parlait tout à l'heure de Bryce Harper, mais on aura l'occasion demain, possiblement, de le voir contre les Blue Jays, parce que les Blue Jays vont jouer contre les Phillies à leur stade de Clearwater et le match est à l'antenne de la télévision. Alors, ça va être intéressant de voir ça. Effectivement. Jacques, un gros merci. On s'en parle durant la saison. Puis encore une fois, bonne fête. Puis merci de collaborer avec moi encore une fois. Bien gentil. Puis salut tout le monde dans votre beau coin de pays. Merci. Donc, notre collaborateur Jacques.